légèrement moins nombreux que les autres fois, mais je pense que c'est peut-être normal qu'il y ait une espèce de fatigue. Et d'une manière, je sais que plusieurs habitués sont en voyage, d'une manière. On entend encore deux minutes. Est-ce que vous avez des remarques sur ce qu'on a fait la dernière fois? De toute manière, je pense que vous vous êtes aperçu que par rapport au programme que j'ai annoncé au début, qu'on était en arrière, et donc ce que devait être le sujet principal du narcissisme, je pense qu'on va à peine commencer à l'effleurer, et donc en espérant qu'on peut continuer l'année prochaine. Parce que j'avais avec un peu d'ardiesse, j'avais annoncé de le traiter dans une seule séance, donc toute la presque comme une espèce de transition aussi de l'apport de l'anthropologie culturelle à notre débat sur la valeur, mais aujourd'hui c'est déjà la troisième séance sur ce thème. En effet, il était impossible évidemment de parler de Durkheim, de Mauss, de Salins, de Polanyi, de Baudelaire, de tout ce du monde, toutes ces personnes dans une seule séance. Et de toute manière, c'est un thème que j'ai à peine effleuré dans mon livre, et donc ce serait donc aussi utile donc, de l'approfondir ici. D'autant plus que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent surtout donc à cette côté anthropologique de la critique de la valeur, et qui parmi d'autres, je rapporte des personnes comme Clément Holmes qui était ici pendant les premières séances, qui a organisé toute une revue Sortir de l'économie, qui s'occupe surtout de cette thématique. Et donc je vous rappelle qu'on va se revoir dans deux semaines, et après donc on va encore faire autre deux séances, c'est-à-dire même les deux semaines consécutives. Donc on va récupérer dans le 9 avril, je crois, le cours qu'on a perdu en février. Et je le rappelle également pour ceux que cela intéresse, que donc le 6-7 avril, et donc nous devons tenir à Paris, donc une assemblée de l'association Crise et Critique, donc, qui se propose d'approfondir la critique de la valeur. Et donc, où est-ce qu'on la tient finalement, Eric? Ça aura lieu à Montreuil. Oui. La parole est en c'est à la maison d'art, c'est la parole est en C'est un café, je crois, non? Alors, il y a un local avec une librairie de café, mais on pourra occuper une salle à Nantes quand on va s'installer. Ouais. Sinon, c'est au café, je pense que ça va être difficile. Pour ceux qui s'intéressent, je pense que c'est surtout le samedi donc, qui sera consacré au débat, donc aussi sur le livre des Poston et de temps de travail et domination sociale. Je crois que le dimanche sera plutôt consacré à des questions d'organisation. Donc c'est peut-être moins intéressant pour le non, personne qui ne veut pas rentrer dans l'association. Elles sont pas encore toutes référencées, je vous donne tout en même temps, je vous en donne déjà deux aujourd'hui. Je vais prendre parce que okay. Quelqu'un doit traiter le son. Ok. Alors donc nous avons donc déjà consacré deux séances, surtout à l'apport de l'anthropologie culturelle française de l'école de Durkheim et de Mauss. Donc surtout, donc on sait qu'elle peut nous dire évidemment sur la question si l'économie, le travail, la marchandise, l'échange sont des facteurs éternels, ontologiques, ou plutôt donc des facteurs historiques. Donc nous avons vu l'importance des auteurs comme Mauss ou beaucoup, beaucoup plus tard de Marshall Salins. Donc, que même si, évidemment, peut-être pas tout ce qu'ils ont cru découvrir et a toujours a toujours été confirmé par d'autres recherches. Au moins, cela nous permet donc de comprendre que l'échange de marchandises basé sur une valeur qui est la représentation du travail abstrait qui a été consacré à leur production et qui se représente dans une quantité d'argent représente donc historiquement plutôt une exception que la règle. Donc je pense que c'est la chose minimale qu'on peut en retenir et qui démontre justement pourquoi donc une des limites les plus importantes du marxisme, d'une certaine manière même de Marx même, une partie de l'œuvre de Marx même, c'est de ne pas avoir distingué assez nettement entre la société pré-capitaliste et la société capitaliste. Donc le rôle central du travail donc, n'est pas une espèce de facteur éternel ou naturel ou consubstantiel à l'être humain, mais évidemment est typique de la seule société capitaliste. Donc aujourd'hui, donc, je voulais continuer un peu encore cet élargissement d'une critique de l'économie à travers les auteurs non marxistes par l'œuvre de Karl Polanyi. Je préfère peut-être. Je dis parce qu'il est très difficile de savoir qu'est-ce que les participants au séminaire connaissent déjà ou pas. Par exemple, qui a lu le livre de Polanyi, La Grande Transformation ? Partiellement. D'accord. Donc je ne vais pas vous ennuyer, c'est commence avec un résumé de ce livre, j'espère. Alors donc je vous rappelle que Karl Polanyi était un sociologue hongrois, donc d'origine, donc plutôt issu du même milieu comme Georg Lukács ou Karl Mannheim, donc comme eux il était plutôt germanophone. Plutôt, il a émigré en Angleterre et je crois aux États-Unis et donc il a écrit la plupart de ses œuvres en anglais, parmi lesquelles son œuvre le plus connue, The Great Transformation, qui était au moins été écrit en 1944, je crois, donc la même année que La dialectique de la raison de Adorno et Horkheimer. Moi, je crois qu'il a été publié quelques années plus tard, je crois, sur le moment, dans sa version complète. Et ben, je ne suis pas spécialement un expert de l'œuvre de Polanyi, de ses répercussions, mais je crois que ses répercussions ont été beaucoup plus fortes après sa mort que pendant son existence, ou de toute manière, je pense, elle était très limitée au milieu universitaire, donc anglophone. Je pense qu'un certain usage, disons que politique de Polanyi, pour sa critique à la société capitaliste, est plutôt un élément récent. Donc avec Polanyi, donc notre critique de l'économie donc va donc abandonner le rivage habité par ce qu'on appelait joliment le sauvage une fois, c'était quand même plus un joli terme. Et donc nous allons donc plutôt nous déplacer essentiellement dans une époque beaucoup plus proche de chez nous et parce que Polanyi, donc le sujet principal, même si pas exclusif, de l'œuvre principale de Polanyi, c'est l'Angleterre du 19e siècle, même si l'on tire des conséquences beaucoup plus larges. Donc pour le dire d'abord en deux ou trois phrases, donc Polanyi est donc surtout connu donc, pour son concept de désencastrement de l'économie, donc ce qu'on appelle en anglais disembedment. Donc, selon lui, donc, dans toutes les sociétés, avant le 19e siècle, dans toutes les sociétés, donc, l'économie existait bel et bien. Nous reviendrons sur ce point. Mais elle existait toujours à l'intérieur d'un tissu de relations sociales. D'une certaine manière, l'économie était au service de la société, était au service donc, d'autres buts qui n'étaient pas ce que nous appelons aujourd'hui des buts économiques, c'est-à-dire le profit individuel maximal. Et donc l'économie, d'une certaine manière, elle s'est déchaînée, elle s'est libérée donc, de cette espèce de cadre social. Donc en effet, une autre traduction française, je crois qu'elle s'est désencastrée, l'économie. Et comme nous allons voir, pour Polanyi, cela est une chose qui est arrivée essentiellement au 18e et surtout au 19e siècle, d'abord en Angleterre. Et pour Polanyi, c'est un élément qui vient d'abord du monde de l'idéologie. Donc c'était d'abord, il dit plusieurs fois que c'est une espèce de mauvaise utopie, donc le marché. Et donc, en effet, après nous reviendrons également sur ce deuxième élément de critique à Polanyi. Donc il est beaucoup plus, comme d'ailleurs beaucoup d'autres auteurs, comme par exemple Louis Dumont, il est beaucoup plus sensible au côté idéal, disons idéologique, de cette évolution qui a ses fondements dans l'histoire réelle des rapports de production. Et donc, d'un côté, donc, ce qui nous intéresse aussi chez Polanyi, c'est l'affirmation que le travail, l'économie, le profit, les marchés ne sont pas des catégories naturelles et éternelles. En effet, il insiste beaucoup sur le fait qu'il existe essentiellement trois façons d'organiser les échanges dans une société, qu'il appelle la redistribution, la réciprocité et le marché. Donc nous allons voir un peu mieux de quoi il s'agit. Donc là, d'ailleurs, nous voyons déjà même une certaine limite dirigée de Polanyi. Donc d'un côté, il comprend beaucoup mieux que les autres, que les marxistes habituels, donc justement le caractère non transhistorique de ces catégories. Donc, et là, évidemment, il va aussi beaucoup au-delà de toute la pensée libérale, mais d'une certaine manière, il reste à moitié chemin, parce qu'en vérité, pour lui, le marché, le travail et l'économie existent bel et bien dans d'autres sociétés, simplement qu'ils ont un autre rôle. Donc sa critique, donc, en vérité, n'y va pas assez loin, et ce n'est pas seulement, disons, du point de vue du marxisme radical que je l'ai dit, mais même un auteur qu'on ne peut pas soupçonner d'être marxiste, comme Louis Dumont disait la même chose dans son introduction à l'édition française de l'œuvre de Polanyi. Mais d'ailleurs, Polanyi est clairement parmi les auteurs qui, même dans leur hésitation, dans leurs incertitudes, ou même dans leur fausse route, parfois sont plus stimulants que d'autres auteurs qui ont toujours raison, mais de certaines manières, nous laissent de certaines manières sans qui ne sont pas très stimulants. Autre côté assez important chez Polanyi, c'est que Polanyi est très sensible, je pense peut-être plus que tout autre auteur que Marx même, au côté autodestructeur de la société capitaliste. Là, c'est très essentiel. Polanyi, donc, d'ailleurs, de toute manière, Polanyi n'a jamais été marxiste. Polanyi était proche d'un socialisme donc assez modéré, assez réformateur. De toute manière, Polanyi s'est considéré au moins à partir d'un certain moment, quand je pense seulement comme un chercheur. Mais si son œuvre se situe quand même dans une perspective globale où il observe et il approuve une espèce de nouveau rôle de l'État, qu'il trouve très positif pour justement comme une tentative de re-enchasser cette économie désencastrée. Nous reviendrons sur ce point. En effet, en vérité, le terme de la grande transformation, d'ailleurs chez Polanyi, en vérité, on dit que en fait, il y a deux choses différentes. En vérité, on pourrait penser qu'il parle justement de l'introduction du capitalisme avec la révolution industrielle en Angleterre, mais en vérité, il parle de son époque, il parle des années 30, il parle justement de ce retour de l'État donc, et de la fin de la société du marché. En effet, c'est ça qu'il observe, comme d'ailleurs beaucoup d'autres auteurs dans les années 30. Il voit qu'entre stalinisme, fascisme et New Deal, il y a une espèce de retour d'une régulation étatique qui, sans toujours abolir le marché, de toute manière, lui mettre de grosses limitations au marché. Et il approuve cela, il trouve que c'est une espèce de sauvetage de la société, parce qu'une société laissée complètement dans le pouvoir d'un marché pur, serait une société qui se détruit complètement. Et en revanche, Polanyi est très très sceptique sur l'idée que de quelque chose d'une lecture de la société à travers les classes. Il trouve qu'on a surévalué beaucoup le point de vue de classes singulières. Donc il existe un intérêt de la société tout entière qui selon lui, prime même sur le plan, disons, épistémologique. Et c'est justement, selon lui, qu'elle est une société de marché, donc n'est pas simplement une société qui est extrêmement injuste et qui crée de la pauvreté extrême. Là, ce fait-là, donc, il souligne beaucoup la pauvreté créée par la révolution industrielle de l'Angleterre. Mais en même temps, une société de ce type serait invivable pour tout le monde parce qu'elle se auto-détruirait très rapidement si elle était abandonné à ses propres lois d'évolution. Et à cause de cela, donc, il affirme que déjà à partir des années 1830 en Angleterre, la société, on pourrait presque dire inconsciemment, a pris une série de mesures, donc, par exemple pour la protection du travail, qui devait justement empêcher que de certaine manière que la société se auto-dévorait, pas tellement à travers la logique de la valeur, comme chez Marx, que nous avons évoqué ici, mais par exemple se auto-détruirait, par exemple en épuisant totalement par exemple, la force de travail et en détruisant la nature, et etc. Et là aussi, donc, un peu le limite, dirais-je, de Polanyi, c'est justement d'insister sur le marché. Donc, en réalité, il ne parle pas du capitalisme, il parle du marché. Donc, il parle effectivement il identifie donc essentiellement le capitalisme avec sa phase libérale, avec le seul marché. Il croit que l'État est toujours, dans toutes circonstances, au contraire, une espèce de force qui représente la société tout entière, qui représente le contrepoids nécessaire, donc pour empêcher les gens à l'atomisme déchaîné du marché pratiquement de tout détruire. C'est aussi la raison pour probablement pourquoi Polanyi donc joue d'une certaine faveur actuellement dans la revue Limos ou chez beaucoup d'auteurs qui ont pourrait d'une certaine manière mettre dans l'altermondialisme justement parce qu'on peut tirer de Polanyi une espèce de justification de l'interprétation étatique donc et justement une critique du capitalisme qui se limite à être une simple critique du néolibéralisme comme elle a et aujourd'hui, il est très répandu pour effectivement trouver des éléments chez Polanyi, une espèce de base historique et théorique. Mais je trouve justement l'intéressant de Polanyi qu'il va même beaucoup au-delà de ça. Il amène un matériel historique comme assez riche, justement pour tirer de l'histoire, comme je dis, surtout de l'histoire du 19e siècle, mais aussi du matériel ethnographique. Justement pour démontrer le caractère absolument non évident, non naturel de la société marchande. Et quand même, avant donc de passer à dire de passer à la critique, je veux quand même faire un résumé, donc pas trop rapide, de ce qu'il a dit, donc sinon on risque plutôt d'être juste. Et évidemment, on peut. Il est beaucoup plus facile de faire établir une comparaison entre Polanyi et Marx que par exemple entre Mauss et Marx, parce que Polanyi donc parle essentiellement de la même chose, donc de la naissance du capitalisme. Mais il arrive également d'une critique radicale de cette société capitaliste et de ses effets destructeurs et autodestructeurs, mais il arrive par d'autres voies que Marx. Justement, cela pour moi, j'y vois aussi une espèce de démonstration de la validité aussi de la lecture que propose la critique de la valeur de Marx, qu'elle trouve de confirmation chez des auteurs qui y arrivent mais en partant d'un autre point de vue. En effet, donc, Polanyi identifie Marx largement, disons totalement, en vérité, avec le marxisme le plus traditionnel, et donc il ne tente pas une autre lecture, donc il le met vite à côté. Il en est juste, justement, donc, il affirme que Marx reste trop lié à la théorie de la valeur au travail de Ricardo et à toute la tradition de l'économie libérale, ce qui, à certains points, est vrai, mais évidemment, justement, n'est pas complètement vrai. Et aussi, si Polanyi ne distingue pas entre Marx ésotérique et exotérique, et entre les interprétations marxistes de Marx. Donc, je dis donc, l'œuvre de Polanyi, donc, il décrit la grande transformation des années 30 qui, pour lui, d'une certaine manière, sonne l'éclat, justement, de cette société libérale. Donc, évidemment, qu'il considère comme une espèce d'aberration, en vérité. Donc, Polanyi, donc, comme nous allons voir, a donc en vérité une idée plutôt positive, où il considère comme éternel le travail, la propriété privée, aussi l'argent. Et pour nous, la société libérale est plutôt une espèce de perversion de cette base ontologique qui sont le travail et l'argent, justement parce que le marché, donc pour nous, donc, n'est pas du tout identique à l'argent. Justement, le marché est justement une espèce de rupture d'équilibre, parce que, comme j'avais dit, donc, pour Polanyi, il existe trois façons. La redistribution, la réciprocité, donc c'est un peu la logique du don dans le sens de Mauss. Donc on rentre dans une chaîne de dons, mais pas toujours sur une base d'un échange immédiat de marchandises. La redistribution, donc un facteur plutôt politique, il y a donc un centre, donc typiquement un chef, donc qui reçoit le contribution des membres de la société, donc sous forme de tribus, d'impôts, etc. Et après, il redistribue d'une autre façon, donc ce qui est donc la source historique de l'État. Et donc le marché, donc en tant que donc, rencontre anonyme entre producteurs séparés. Donc c'est. Polanyi pense donc que ces trois modalités de la distribution existent partout, et donc normalement qu'aucune société n'est complètement une chose ou une autre. Et donc toute société sont donc une certaine manière de combinaison de ces trois facteurs, et que juste une société donc plus donc ces facteurs auquel d'ailleurs s'ajoute encore la autarcie domestique, autre chose que Polanyi tient en compte, donc l'économie au sens grec ancien, donc liée donc, à la maison, la maisonnée, comme on dit aussi en français. Donc pour Polanyi, une société harmonieuse est donc une société où ce facteur se tient en équilibre. Tandis que, justement, le grand péché de la société libérale, c'est donc justement d'avoir rompu cet équilibre et d'avoir mis à un seul facteur, le marché, de s'établir aux dépens des autres facteurs. Et donc, justement, donc, il espérait à son époque de voir un certain rééquilibre donc, à travers un nouveau rôle de l'État. Sa description, finalement, je dirais, vaut beaucoup mieux que son diagnostic. Donc, on voit aussi déjà, en certaine manière, une certaine limite. Donc, pour lui, donc, la société capitaliste pleinement développée donc, n'est pas une espèce de développement tout à fait assez logique de l'existence préétablie de l'argent et du travail, mais au contraire, une espèce de quelque chose de non naturel, de pervers, auquel, d'une certaine manière, on pourrait quand même, mais qui se limite à la seule sphère du marché, qui, avec une intervention politique consciente, donc on pourrait y remédier. Donc, il affirme donc, que la civilisation du 19e siècle donc, se basait sur quatre grandes institutions, qui étaient l'équilibre des pouvoirs, donc facteur politique, donc évidemment, l'étalon d'or international, donc une monnaie, donc, l'or partout accepté comme base de la monnaie, l'État libéral et surtout le marché, donc autorégulé. Et il dit tout de suite, sa thèse, c'est que que l'idée d'un marché autorégulé implique une grosse utopie, et donc une utopie c'est au sens négatif. Donc le marché autorégulé est plutôt quelque chose de né dans la tête des économistes fous à partir du XVIIe siècle, qui de certaine manière tente de imposer donc, à la société une vision abstraite qui finalement est totalement contraire aux intérêts réels de la société. D'ailleurs, donc, cette idée un peu que le monde va mal à cause d'une espèce de conspiration des économistes devenus fous, en fait, est quelque chose que nous retrouvons largement même aujourd'hui. Donc, évidemment, je trouve que cette explication est beaucoup trop courte, mais essentiellement, comme nous allons voir, même les analystes des personnes comme Latouche, pour ne pas parler de ce qu'ils appellent les économistes attristés, non pas attristés. Finalement, donc, même si évidemment ce sont des analyses vraies, mais reste quand même assez pour moi à la surface. Et donc, même donc, l'origine, justement, comme on l'a dit, donc, il tente, comme d'autres, de comprendre l'origine du cataclysme des années 1930, donc, et donc la naissance surtout du fascisme et du stalinisme, dit qu'en vérité, donc, que cela est une espèce de réaction donc, à cet effort utopiste du libéralisme économique d'organiser un système de marché autorégulé. Donc évidemment, le marché autorégulé, donc ce n'est pas un facteur seulement économique, mais une façon de vivre globale basée sur l'idée de du profit individuel. Donc là, il insiste beaucoup sur, comme d'ailleurs notre auteur a fait, sur ce facteur de mentalité. Dit donc. La transformation des marchés en un système autorégulateur doté d'une puissance effrayante ne résultait pas de quelques tendances à proliférer inhérentes au marché. Donc là, il refuse donc l'idée libérale qu'on avait peu à peu les échanges ont grandi, donc les exigences ont grandi, on a fait des inventions techniques et donc peu à peu on est arrivé à une espèce de croissance harmonique à la société du marché. Donc cette idée. Effectivement, c'est son mérite pour l'ami, il la confute catégoriquement. Donc, le marché autorégulateur est né d'une rupture violente, qui d'ailleurs, aussi pour l'anticiper, il n'attribue quand même pas seulement aux mauvaises idées, mais également au rôle des machines et à la révolution industrielle. Donc, il continue donc cette transformation était plutôt l'effet de stimulants extrêmement artificiels que l'on avait administré au corps social afin de répondre à une situation créée par le phénomène non moins artificiel de la machine. Donc il y a donc de cette manière deux facteurs externes, donc il y a d'un côté une façon technique auquel donc on répond avec l'idéologie libérale. Et donc, justement, le propre de l'idéologie libérale, et donc cela maintenant a été beaucoup discuté, surtout dans la dernière décennie, je pense qu'on va y revenir brièvement à la prochaine séance, c'était justement d'avoir affirmé que ce qui est bon pour l'économie, ce qui est bon en termes matériels et en tant que tel est bon pour l'être humain. Donc là, c'était, comme nous allons voir, si vous le savez déjà, évidemment, ce grand cynique qui était Bernard de Mandeville dans la fable des abeilles en 1720 a été le passage décisif. Donc en disant que, tandis qu'évidemment pour une mentalité chrétienne, la richesse est plutôt un péché, moins officiellement, ou à la limite une espèce de mal nécessaire, donc on doit quand même se défaire de temps en temps pour soulager les pauvres, etc. C'est justement commencé, ce n'est que dans les pays protestants, donc que la richesse commence à être en tant que telle une signe d'élection divine, d'abord dans le protestantisme, on connaît tous les fameuses analyses de Weber, mais là avec Monville, et on va beaucoup plus loin, donc la richesse, de certaine manière, on n'en sent plus aucun besoin de se justifier, donc en termes religieux ou métaphysiques, mais en tant que tel, bien, donc l'être humain, il n'existe que pour avoir le plus de bien-être en termes de biens ou de services possibles. Et cette poursuite de The Pursuit of Happiness, comme dit aussi la Constitution américaine, donc en vérité, il ne doit absolument pas se soucier d'aucune limitation morale, mais pas dans le sens d'un amoralisme, parce que l'idée, c'est que cette recherche de la richesse est déjà en tant que tel un bien moral. Je veux dire, Mandeville était d'ailleurs commencé le plus cynique de ses auteurs du 18e siècle. D'autres, comme notamment Adam Smith, au contraire, faisaient des grandes contorsions encore, de certaines manières, pour unir donc la logique du profit individuel avec quelques considérations morales, surtout en affirmant que finalement, la poursuite, évidemment, de du bien individuel résulte quand même dans une plus grande bien-être pour tout le monde. Cela, évidemment, c'est la fameuse théorie de la main invisible chez Adam Smith. Donc la sphère économique était alors censée définir d'elle-même les critères du bien et du mal. Et justement, évidemment, donc le comble du cynisme après Mandeville, un siècle plus tard, a été rejoint par Thomas Malthus, qui était évidemment donc, probablement le plus extrême idéologue que la bourgeoisie a jamais connu. Connu pour sa théorie de la surpopulation nécessaire de la Terre, qui retourne périodiquement aujourd'hui, même souvent dans les termes des argumentations écologistes. Et Malthus donc, avait également dit donc, de la façon la plus claire donc, que la meilleure façon pour éduquer le peuple, c'était la faim. Donc, de souffrir la faim était naturel, et donc c'était quelque chose qui aurait de certaine manière faire plier aussi le peuple et les ouvriers aux lois du marché, sans même un besoin d'une coercition extérieure, comme c'était juste l'écart de toute la société disciplinaire précédente. Le profit individuel devient donc dans cette société, d'abord en Angleterre, donc une espèce de justification de l'action et du comportement de la vie quotidienne. Et cela est donc propagé, donc il parle d'une espèce de ferveur, d'une ferveur de type religieux. Donc c'est là, donc, effectivement, le libéralisme était à cette époque, on l'a revu surtout dans les années 90 du siècle dernier, évidemment, malgré tous ces airs désenchantés, prend souvent les airs d'une espèce de prédication presque religieuse, donc il veut absolument convaincre de les personnes qui étrangement veut convaincre les personnes de faire quelque chose qui en même temps serait considéré comme tout à fait naturel. Donc c'est déjà une contradiction du libéralisme qu'il faut tout mettre en œuvre pour que les personnes fassent ce qu'ils sont censés de faire naturellement. Une citation de Paul Henri de Montlivre, donc il dit donc le fait que la société du 19e siècle a été organisée sur l'hypothèse que la motivation économique pourrait être rendue universelle est une particularité de l'époque, parce que l'économie de marché est une structure institutionnelle qui, comme nous l'oublions tous trop facilement, n'a pas existé à d'autres époques que la nôtre. Et même à notre époque, elle n'a pas existé partout. On le dit donc, surtout à cette époque-là, donc cela, de certaine manière, allait de certaine manière plus loin dans la critique de l'économisme que presque tous les auteurs, marxistes. Et donc, il souligne donc justement le fait que, de la unicité du capitalisme, il dit, le gain et les profits tirés des échanges n'avaient jamais joué auparavant un rôle important dans l'économie humaine. Parce que, étant donné que le prix conféré dans d'autres sociétés, surtout dans les sociétés donc, décrites par les historiens et les ethnographes, dans d'autres sociétés, le prix conféré à la générosité est si grand, comme on les mesure à l'aune du prestige social, que tout comportement autre que le plus total oubli de soi n'est tout simplement pas payant. Donc là, il est assez proche des observations de Salins et de Mauss. Donc, il n'affirme pas que tout le monde est bon et gentil dans les sociétés précapitalistes. Évidemment, la quête du prestige peut être tout aussi antagoniste. Mais il a un autre caractère, et de toute manière, justement, là, donc, dans ces autres sociétés, donc, la quête du prestige et d'être bien vu par les autres, de certaine manière, donc, forme justement cette espèce de lit, donc, comment dire, de bed, donc, cette espèce d'encastrement de l'économie que le cercle a arrivé à cette finalité. Et donc, ça veut aussi dire, dans les sociétés précapitalistes, même si ça se passe ce terme, donc, il n'existe donc pas d'institutions séparées des stocks qui sont basées sur des raisons économiques. Il existe, et donc, tout ce qui existe, donc les institutions, donc, comme l'État, comme la religion, ont souvent également une fonction qu'aujourd'hui nous appellerons économique. Par exemple, on sait les temples anciens, par exemple, chez les Grecs étaient également, pour à la limite dire des banques en sens moderne, comme souvent, par exemple, les villes y déposaient, par exemple, les trésors. Donc, il y avait des temples donc, qui prêtaient même de l'argent à gage et à intérêt. Mais il n'existait pas, dit Polanyi, des institutions qui n'avaient pour but que de promouvoir l'économie. Donc là, évidemment, ils pensent au marché. Le marché est, d'une certaine manière, la seule institution donc, qui, de manière déclarée, n'a rien de moral, n'a rien de politique, rien de religieux. Elle n'existe que pour permettre donc, aux gens de se enrichir le plus possible. D'ailleurs, de manière ouverte, justement, pour la lutte, trouve que cette intronisation du profit et du gain en tant que sphère d'abord séparée, finalement aussi supérieure, aussi donc centrale à la vie, est justement une fée qui, selon lui, n'existait pas avant la révolution industrielle. Là, on peut dire, on va le répondre ensuite, quand même, l'horizon temporel de Polanyi est trop court, donc ce qu'il décrit, ce n'est que pratiquement que la dernière phase, la phase la plus visible, la plus aiguë de ce processus. Donc, on peut probablement dater le début de du capitalisme, surtout en tant qu'économie monétaire déjà au 15e siècle, même si évidemment après ça a encore pris quelques siècles pour vraiment se imposer. Donc c'est un processus assez long, mais il n'est pas tombé du ciel à la fin du 18e siècle, je dirais. Il insiste, et là, donc justement, il ne veut pas faire un discours de ethnographie, il insiste sur le fait que deux sociétés, des économies sans gain et sans marché, ne doivent pas nécessairement être simples. Donc il refuse surtout la société. Intéressant l'idée que oui, peut-être il y a des sociétés primitives donc, qui peuvent s'en passer du marché, mais que. Dès qu'on aura par exemple des unités géographiques plus larges, il y a nécessairement une espèce de croissance de l'aspect marché. Donc là, il refuse cette idée. Il a dit qu'on a eu des gros royaumes, par exemple, je crois, il a consacré des études, par exemple, aux empires hellénistiques, qui ont fonctionné sur des bases qui étaient essentiellement, par exemple, de la redistribution. Donc, on peut même avoir des sociétés complexes où le rôle du marché, au moins, est assez limité. Donc il n'y a pas, selon nous, une espèce de fatalité historique qui pousse vers le marché. Et cela, naturellement, a aussi un côté politique. Donc justement, voilà pourquoi il pense que même à notre époque, à son époque, on peut en sortir de la société du tout marché, justement parce que la complexité ou le degré de développement industriel n'est pas pour lui un indice qui doit nécessairement être dans le marché. D'ailleurs, il dit même explicitement qu'il ne prévoit aucune sortie de la société industrielle, mais il dit qu'on peut avoir une société industrielle qui ne soit pas une société de marché. Tandis que d'autres pensent pas faire exactement le contraire. Aujourd'hui, c'est peut-être plus répandu l'autre idée. Donc, je vais vous lire une autre situation caractéristique. Donc il dit, la maîtrise du système économique signifie tout bonnement que la société est gérée en tant qu'auxiliaire du marché. Donc c'est là donc, le grand péché du libéralisme. Donc elle réduit, on verse le rapport entre économie et société. D'ailleurs, donc, regardez bien, donc, Polanyi ne met pas en doute en vérité l'existence de quelque chose d'atemporel qui est l'économie. Donc là, il ne va pas si loin que, par exemple, que déjà Marcel Mauss lorsqu'il parle de fonds social total ou de prestations totales. De certaine manière, pour Polanyi, le défaut, justement, c'est une espèce de haute version, que, de certaine manière, que la servante, c'est-à-dire l'économie, prend la place de la patronne, c'est-à-dire de la société. Donc, rapport entre les hommes réglé de manière consciente, et typiquement dans l'État ou dans d'autres formes politiques ou institutionnelles. Donc, au lieu que l'économie est encastrée dans les relations sociales, ce sont les relations sociales qui sont encastrées dans le système économique. La société doit prendre une forme telle qu'elle permette à ce système de fonctionner suivant ses propres lois. Donc, évidemment, comme je dis, assurément, un des mérites de cette perspective de Polanyi, de toute manière, de nous faire aussi toucher de limites de tout matérialisme historique et de comprendre jusqu'à quel point le matérialisme historique, vraiment dans sa forme codifiée, était vraiment très proche finalement de l'opinion libérale, donc selon laquelle en tout temps et lieu des êtres humains ont essentiellement vécu donc, pour se procurer le plus de pacotis possible. Et que tout le reste, donc institutions, économie, religion métaphysique, n'est une espèce d'ornement donc, pour cacher cette réalité. Donc le matérialisme historique, donc, il s'est toujours cru de manière très héroïque donc, en se opposant au vieil idéalisme bourgeois, donc intronisé au contraire, donc l'art, la religion, etc., au sommet de la vie humaine. Mais finalement, comme je dis, ce matérialisme historique se trouve, d'une certaine manière, en vérité, être une espèce de faux frère, donc en vérité, du libéralisme matérialiste de la société capitaliste. Le problème, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, que c'est en s'opposant à ce matérialisme historique, beaucoup de ces auteurs, presque toute cette école, donc, comme je dis, à partir de Mauss jusqu'à des auteurs contemporains, d'ailleurs, comme par exemple Jean-Claude Michéa, ils ont toujours une certaine tendance à simplement renverser les problèmes et à reprendre souvent une espèce d'idéalisme au pire sens du terme, c'est-à-dire à croire dans une espèce d'autonomie des idées qui se trouvent à nouveau détachées de sa base matérielle, en vérité. Et c'est, je pense que une des grandes tâches aussi, donc, justement, de la critique de la valeur de la théorie du fétichisme, c'est justement de dépasser ce clivage entre l'être et l'apparaître, entre l'être et la conscience, le sein et das Bewusstsein, et de comprendre que des processus historiques sont toujours un mélange donc, de ces deux facteurs qui se poussent l'un l'autre. Je pense que je vais tenter d'en dire quelques mots lorsque nous parlerons brièvement de la naissance du capitalisme. Et je pense que là, justement, il est important de savoir qu'il n'existe pas une priorité ni pour le facteur, disons, mentalité idéale, ni pour le facteur purement technique et matériel. D'ailleurs, c'est très facile à dire, mais il semble que dans la réalité, c'est assez difficile de l'appliquer effectivement à la science historique. Parce qu'il y a toujours... Il semble qu'il y a toujours... Tous les historiens veulent toujours donc avoir d'abord ou l'œuf ou le poulet. Donc c'est difficile de comprendre qu'ils se génèrent l'un l'autre. Donc, on le dit, le côté le plus fort de Polanyi, c'est sans doute la description. Il a dit... C'est donc l'apparition de la machine donc, qui a créé, de certaine manière, comme réaction, dit-il, la société libérale. Alors, élément important et selon moi limitant de la théorie de Polanyi, c'est que pour lui, le marché a toujours existé. Je le dis, je le répète. Là, il fait une distinction qui historiquement est intéressante. Il a dit que surtout ce que a toujours existé, c'était le marché pour l'exportation, pour l'extérieur, qui de toute manière, on peut dire, est beaucoup moins invasif. Maintenant c'est mon mot, parce qu'en général il ne touche justement que les excédents de la production et en général il ne touche qu'une petite partie de la production, donc surtout par exemple des produits de luxe. Selon lui, le marché devient plus problématique justement lorsque c'est un marché commerce intérieur, à l'intérieur d'une communauté, d'une région, d'un état, parce que là donc il commence donc aussi en général à toucher des produits de la, sur laquelle se base la reproduction quotidienne, par exemple, surtout lorsque ça touche à la nourriture, ou par exemple au blé. Selon lui, c'est seulement là, historiquement, où c'est l'État même qui pousse, donc qui crée un commerce interne, qu'on arrive à la concurrence comme principe général du commerce. Donc là aussi, dans Polanyi, c'est bien que le commerce n'est pas nécessairement égal à concurrence, que le commerce, surtout à de longue distance dans l'Antiquité, donc avec un caractère qui, justement, qui était très basé sur l'idée du don, sur l'idée des dons qui sont, on voit par exemple, le souverain entre eux, donc ça était accompagné de beaucoup de rituels. Et de toute manière, il n'y avait pas une véritable concurrence parce qu'il n'y avait pas de prix unitaire, donc parce qu'il manquait justement la possibilité. Donc il y avait si peu aussi de commerçants qui se consacraient au commerce à long terme, donc je pense que les marchés, c'est-à-dire ce n'était pas assez dense pour permettre une véritable concurrence. Et donc celui qui arrivait donc probablement avec un navire, je ne sais pas, d'épices, il avait en ce moment-là, par exemple, un véritable monopole. C'était peut-être le seul navire qui arrivait, donc il n'y avait pas un véritable régime de concurrence. Donc la concurrence, donc, avec tous ses effets destructeurs pour la société, donc, selon Polanyi, est plus typique d'un régime, donc, d'un commerce à l'intérieur d'une communauté. Et donc la société, donc, en même temps qu'elle instaure le marché, aussi donc le marché intérieur, elle tente aussi de se en défendre. Et par exemple, à travers par exemple le corporation et toute la législation qui existait au Moyen-Âge, donc qui est normalement réglée assez rigidement la quantité et la qualité de la production de la concurrence. En effet, même le Moyen-Âge, et même jusqu'à la Révolution française, comme on sait, donc les gildes, les corporations, etc., empêchaient une véritable concurrence, déjà parce que le nombre de participants était limité. Justement, parce que c'est une autre idée de Polanyi, que le marché donc, n'est pas négatif, il peut même être assez utile pour stimuler la production, mais il faut le limiter, et donc longtemps la société, de certaine manière, donc, elle poussait vers le commerce, vers la concurrence, avec l'autre même elle limitait. Et donc là, c'était pour Polanyi donc une espèce d'harmonie sociale. Et justement, tout le problème du 19e siècle, que c'est là, certainement, la société a perdu le contrôle sur ces créatures de marché. C'est-à-dire, le marché, donc, en certaine manière, a commencé à se agrandir hors de tout contrôle. Donc, et la société, après, donc, dans la perspective de Polanyi, donc, a eu, d'une certaine manière, une mal fou un peu comme justement comme le fameux sorcier avec ses créatures, la société a eu une mal fou pour la ramener le marché sur son contrôle. Ou d'ailleurs, pour ce que je vois, la société, ça reste une catégorie assez abstraite. Donc justement, elle refuse de reconduire la société simplement à un jeu d'intérêts de classe. Et donc, il existe pour nous comme une espèce d'intérêt global de la société. Donc, il insiste par exemple sur le fait que, par exemple, en Angleterre, après, en 1834, donc, on a aboli ce qu'on appelle la Spinheim Land Law, qui était une espèce d'organisation paternaliste du travail, parce que c'était déjà presque une espèce de petit revenu universel garanti. Donc en 1934, donc, on a eu une libéralisation totale du marché du travail, et donc à ce moment-là, donc, les ouvriers risquaient vraiment de mourir de faim, parce que donc ils étaient dans une... Donc on pouvait faire, le capitaliste pouvait faire de ce qu'il voulait, donc à cause donc, de la grande masse de personnes qui devaient à tout prix vendre la force de travail, donc le prix pouvait donc tomber pratiquement à zéro. Et justement, il affirme, à ce moment-là commence ce qu'il dit, une espèce d'autoprotection de la société, par exemple avec la première législation sur les usines, les premiers syndicats, etc. Et là, dit-il, d'une certaine manière, que ce sont la... le prolétariat d'un côté et de l'autre côté l'aristocratie foncière qui était momentanément alliée, surtout donc avec le mouvement cartiste, quoi. C'est des manières qui ont sauvé la société contre la classe industrielle qui, à ce moment-là, donc pour ses propres intérêts, donc voulait se lancer dans une dynamique qui aurait détruit le système entier et finalement aussi la classe bourgeoise industrielle avec le système, évidemment, il n'était pas conscient. Et donc, de certaine manière, Paul l'a dit, donc, l'intérêt social, donc l'intérêt de la société tout entière, donc, a été représenté justement plutôt par les classes non pour les autres classes en haut et en bas, de certaine manière, qui ont imposé, par exemple, des lois, par exemple, pour la limitation de la durée du travail. Donc, on sait. Donc justement, que la classe foncière, qui était encore assez forte en Angleterre, a souvent donc aussi appuyé cette demande des ouvriers, aussi, d'ailleurs aussi, justement aussi pour protéger ses propres intérêts contre l'énorme pouvoir de la classe industrielle. Donc Polanyi donc insiste toujours donc justement sur sur le rôle que donc effectivement la presque disparition de l'État selon lui a eu donc pour ce déchaînement du capitalisme. Donc là on est donc tout à fait au contraire d'une analyse comme l'analyse de Kurz qui insiste et de Marx même qui insiste au contraire sur le rôle qui a joué l'État surtout étant l'accumulation primitive pour créer les conditions du capitalisme. Au contraire, donc, justement, à l'époque de l'accumulation originaire, à l'époque du mercantilisme, au contraire, là, selon Polanyi, le monde était encore beau, donc, parce que les marchés, dit-il, étaient simplement un élément accessoire d'un cadre institutionnel qui était contrôlé et réglé, et plus que jamais même par l'autorité sociale. Donc, le mercantilisme était même un système anticapitaliste pour lui, et également, donc, il espère une espèce de retour du mercantilisme à travers le système, par exemple, comme le New Deal aux États-Unis. En effet, on ne comprend pas trop comment, donc, dans la perspective de Polanyi, comment, donc, au cours de pratiquement de peu d'années, la situation a pratiquement plutôt... plus se renverser totalement dans la deuxième moitié du 18e siècle. Alors, l'autre fait important pour Polanyi et évidemment dont il faut discuter, et justement, c'est sa conception de la marchandise. La marchandise, en tant que telle, est un fait assez naturel parce qu'il dit que tout ce qui est produit pour être vendu est naturellement une marchandise. Donc, ici, nous sommes très loin de la critique marxienne de la marchandise. Et il en tire une conséquence assez particulière. Il dit le sol n'est pas produit, une base naturelle qui n'est pas produite pour être vendue. Donc naturellement, donc le sol n'est pas une marchandise, la terre n'est pas une marchandise. Il dit que le travail, c'est-à-dire d'une certaine manière, le corps humain, la capacité de travailler, est également une donnée naturelle qui n'existe pour être vendue, et donc naturellement pour lui, le travail n'est pas une marchandise. Et encore plus étrangement, il affirme que l'argent n'est pas une marchandise, donc si nous sommes à l'opposé de l'analyse marxienne, parce que l'argent pour lui n'est qu'une espèce de symbole. pour faciliter les échanges, mais pas pour être vendu lui-même. Et donc, donc la monnaie est seulement un symbole du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat n'est pas quelque chose qui a été produit, donc justement comme la terre, justement, n'est pas produit de l'homme. Et donc ici, en vérité, c'est le pivot comme dans l'analyse de Polanyi. Donc pour lui, le capitalisme ne se caractérise pas pour le fait d'être une société marchande. Au contraire, pour lui, toute société, au moins une partie plus ou moins des marchandises, justement, pour lui, tout le problème dérive du fait que le travail, l'argent et la marchandise deviennent des marchandises. Non, qu'est-ce que je dis? Et le travail, l'argent et le sol deviennent des marchandises. Donc, c'est-à-dire, on peut librement vendre et acheter. Et selon lui, donc, la grande transformation, donc, de fin du 18e, début du 19e siècle en Angleterre, a justement un cadre institutionnel, parce que Polanyi est toujours très intéressé par le cadre institutionnel de ce développement, et auquel donne une espèce de priorité, et justement une série de lois. Donc, on a d'abord aboli toute la législation sur le travail, toute protection, parce que du point de vue du libéralisme pur, par exemple, toute loi, par exemple, sur la durée du travail ou sur l'âge à laquelle on peut rentrer dans la vie du travail, en quelles conditions on peut travailler, sont du point de vue purement libéral, tel qu'il était défendu, par exemple, par Malthus à l'époque, sont des limitations non naturelles. Pour un libéral pur et dur, donc si je trouve quelqu'un qui est évidemment pour une assiette de soupe accepte de travailler 18 heures donc, dans une minière, c'est simplement le libre marché, on ne peut rien y objecter. Quand même, Jean Paulet a une raison, on n'a jamais vu aucune société où cela existait. Donc, toute société avait soit des lois, soit des conventions, donc justement qui limitaient qu'est-ce qu'on peut faire avec un autre humain. Donc même les esclaves en général, par exemple de l'Antiquité, on n'avait pas le droit de les mettre à mort, de les maltraiter de manière illimitée. Et encore, justement dans la société, dans l'ancien régime, il existait au contraire une infinité de lois pour la protection du travail, qui justement enrageait la nouvelle bourgeoisie. Mais vous savez donc bien, une des premières choses qu'on a fait à la Révolution française, c'était d'abolir toute corporation d'ouvriers, et également d'abolir, par exemple, le jour de fête de l'Église, évidemment, qui représentait autant de journées de travail perdues. Et donc, alors, donc justement, la législation, donc il y avait vraiment un bref moment donc, où donc, la contrat, la négociation entre travail et entre possesseurs de la force de travail, disons en termes anciens, et propriétaires des moyens de production était toute la négociation était totalement libre entre guillemets, et selon Polanyi à ce moment-là, donc la société tout entière aurait risqué de s'effondrer totalement si on avait rapidement introduit d'autres limitations, mais qui souvent étaient encore insuffisantes. Donc également, le sol, également, vous savez, donc, en général, là, c'est une très longue histoire de régime foncier, donc en général, dans le régime ancien, justement, la terre n'était pas un objet à vendre et acheter comme une autre, donc parce que c'était lié aussi souvent, plus ou moins, au droit sur les personnes qui habitaient ce travail. Et en vérité, en théorie, même si cela a été largement une fiction, souvent, donc, en vérité, la terre même devait jamais être objet de vente, parce qu'en théorie, dans un régime féodal, toute terre était la propriété de celui qu'il avait reçu de son seigneur en échange de ce service militaire ou administratif et qui y faisait travailler d'autres. Donc en vérité, les aristocrates, vous savez, en vérité, avaient en théorie même pas le droit de vendre leur terre, parce qu'en vérité, il ne leur appartenait pas, en vérité, il appartenait au souverain. Et en plus, dans les sociétés d'ancien régime, en général, la plupart des terres appartenaient en même temps à plusieurs personnes, à divers titres. Donc il existe justement plusieurs types de droits sur les terres. Justement, donc, comme Luther pouvait en même temps être, par exemple, appartenir formellement, par exemple, à l'Église, mais être pratiquement dans la position de quelques d'autres qui pouvaient, par exemple, payer ou peut-être même pas payer une redevance. Et d'ailleurs, je ne sais pas exactement comment c'est en France, mais j'ai eu une curieuse survivance de ce système lorsqu'en Italie, donc, nous avons voulu acheter un terrain. On a découvert qu'à ce moment-là, outre à payer évidemment le propriétaire, on aurait dû aussi payer une petite somme plutôt symbolique à une espèce de ancienne famille qui avait hérité le droit, d'une espèce de droit d'une ancienne. Peu que c'était justement la métairie en France, donc parce que cela n'a. Donc, en Italie, il y avait une espèce de double régime, parce que toute la terre était formellement, au moins dans la région que je connais, propriété soit de l'Église, soit de quelques grandes familles, qui l'avaient donné justement à travailler à des familles des paysans. Donc c'était le système classique de la métairie, on dit là. Donc peu à peu, donc ces familles ont arrêté de payer leur partie, leur dîme. Et donc il s'est hérité, il s'est passé ce terrain de l'un à l'autre par héritage. Donc il était aussi inscrit comme propriétaire. En même temps, sur le terrain qui, comme juridiquement, leur appartenait, gravé en même temps cette autre obligation qu'il avait au moins en théorie de donner du genre une quart de la récolte aux anciens propriétaires. Et donc, au moins en Italie, dans les années 70, je pense qu'on avait fait on a donné la possibilité de extinguer ces anciens droits, et donc derrière une petite somme, donc on pouvait donc racheter la propriété totale de sa terre. Et donc les anciens propriétaires donc ne pouvaient pas se opposer. Mais beaucoup de gens ne l'ont pas fait. D'ailleurs, très souvent, les héritiers, les anciens propriétaires ne le savaient même pas d'avoir cette espèce de droit, entre guillemets. Et donc, il est arrivé, mais cela, cette question retourne périodiquement donc au moment où on avait fait un passage de propriété. Donc, il trouve que certains terrains qui n'ont pas été rachetés donc, sont encore formellement, on le dit, donc, ont une redevance envers ces anciens propriétaires. Donc, il y a en même temps deux personnes qui, par exemple, qui possèdent ces terres à différents titres. D'ailleurs, donc, ceux qui avaient ces anciens droits féodaux ne pouvaient ni les vendre à d'autres, je pense, ni ils pouvaient se opposer au fait que le propriétaire réel vendait leur terrain, ne pouvait pas le reprendre, etc. Mais il restait avec cette espèce de titre et avec un droit formé, un droit, même si tout à fait théorique, de recevoir des gens comme une carte, une carte des olives qu'on est récolté. Je ne sais pas, probablement en France, je pense que ces droits ont été extingués. Ça existe, enfin, pour faire une différence entre le nord et le sud, mais il y a des régions. C'est la féodalité, hein. C'est très différent selon les régions. Ouais. En France, c'est très différent selon les régions. Mais ça existe aussi en France. Oui, donc je vous ai raconté cette anecdote avec détail parce que je trouve qu'elle est assez révélateur pour comprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes peu à peu habitués au fait que chaque chose a une propriété, un seul propriétaire. Donc on a comme on dit en latin, le jus. Le droit d'user et abuser, ça, je dis la formulation. Mais justement, là aussi, Pollard a raison, donc même cette conception juridique d'un droit exclusif est une chose très moderne. Donc avant, en général, tous les objets, même les personnes, se trouvaient toujours dans une espèce de tissu de différents droits, donc à différents titres, qui sont entrecroisés. Justement, pourquoi donc, les objets et les personnes existaient toujours de cette manière en tant qu'objet relationnel et pas simplement comme une espèce de propriété. Justement, je pense que c'était John Locke aussi au XVIIe siècle, le premier qui a formulé cette idée donc, qu'un objet appartient par nature à celui qui l'a créé, qui a travaillé pour sa création. Donc après, donc, cela est devenu tellement évident qu'aujourd'hui, que nous justement nous fatiguons à comprendre que pour d'autres pour d'autres sociétés, donc la propriété, donc en général, ni les fruits directement de travail, et surtout, donc on peut, de certaine manière, il peut exister différents genres de droits sur un objet. Justement, pour Polanyi, donc la société des marchés, ils vont donc prendre son caractère si destructeur au moment où ces trois éléments, qui quand même sont des éléments absolument centraux de la reproduction sociale, donc la terre, le travail et l'argent, deviennent donc pratiquement, donc d'une certaine manière, sont eux aussi, on pourrait dire, désencastrés, donc sortent de leur tissu social, et vont de simples objets qu'ils ont pu vendre et acheter, donc ils sont soumis à un régime de concurrence. Donc, ça veut dire que ces objets-là perdent tout le rôle de lien social, donc perdent aussi leur fonction de servir aux intérêts de la société tout entier, et donc sont toujours traités selon donc, évidemment les intérêts des profits à bref terme. Je pense donc comme description, c'est absolument vrai. En même temps, c'est trop court comme explication. Donc, je vais y revenir parce que il n'a pas vraiment un concept de marchandise pour la vie. Et donc, ce qu'il critique, c'est simplement que ces trois objets donc deviennent faussement de marchandises, tandis que la firme courte dans son analyse de Polanyi, en vérité, la firme courte, c'est plutôt exactement le contraire. C'est au moment où l'argent devient une marchandise que les autres objets deviennent aussi des marchandises et pas le contraire. Pour Polanyi, c'est le contraire. Donc, on a eu toujours des marchandises et donc les marchés autorégulés nés du moment où une chose qui ne devait pas être une marchandise rentre dans le nombre de marchandises. Donc pour la vie, il y a d'abord la marchandise comme catégorie universelle et après l'argent marchandise comme cas spécifique. Tandis que Kurz, dans son dernier livre, donc il fait donc l'analyse exactement à l'envers. Donc il y a d'abord la transformation de l'argent qui, selon lui, était avant surtout symbolique et sacrale. Il y a à partir du 15e siècle et de l'introduction des armes à feu, comme nous allons voir, à partir de là, il y a donc une transformation de tous les autres objets en marchandises, selon Kurz. Et ici, Kurz fait une autre remarque qui me semble pleine de sens. Il dit la limitation de tous ces auteurs, donc Polanyi, Mauss, Salins, etc., c'est qu'il reste sur le plan descriptif, donc il comprend assez bien, et beaucoup mieux que les marxistes traditionnels, en quoi ces sociétés précapitalistes sont radicalement différentes des sociétés capitalistes. Mais leur analyse reste courte justement parce qu'ils ne partent pas d'une analyse du contemporain. Donc il leur manque justement cette analyse de ce qui est dans un régime capitaliste, la marchandise, l'argent, la valeur et le travail. Parce qu'il leur manque une comparaison de ce que c'est qu'aujourd'hui. Ils ne réussissent même pas à vraiment comprendre le rôle des objets, par exemple des monnaies qui circulaient ou des biens qui circulaient, qui justement n'étaient pas des marchandises parce qu'ils ne remplissaient pas le même rôle. Donc justement là, ils tombent dans des nouvelles ontologisations. Donc justement, comme Paul a dit, donc ils ontologisent quand même travail et marchandises et argent, justement parce qu'il n'a pas compris ou n'a pas analysé justement le rôle que cela a dans la société moderne. Et cela nous fait faire fausse route dans l'analyse rétrospective. Donc ce n'est pas une téléologie, mais c'est comme le fait que justement on peut comprendre le développement futur, le développement antérieur à partir de ce qu'ils sont devenus après. C'est un peu la fameuse histoire de Marx lorsqu'il dit que l'anatomie de l'homme est une clé pour l'anatomie du singe. Que ce ne veut pas dire qu'il y avait un développement nécessaire, mais pour comprendre qu'est-ce que ça peut donner, il faut savoir qu'est-ce que c'est devenu après. Alors on peut être un peu plus clair. Historiquement, on peut bien sûr, beaucoup d'historiens le font, dire ah, et on a toujours échangé des biens, donc c'était des marchandises, et on a toujours, donc les êtres humains ont aussi très tôt commencé à utiliser d'autres objets, par exemple comme de carbone, des cailloux, après les métaux précieux, donc on a toujours eu de la monnaie. Alors, mais si on, justement, Marx fait le contraire, commence à analyser qu'est-ce que c'est que l'argent dans la société moderne. Donc il analyse que, justement, que tout le premier chapitre des capitales, je vous ai longuement ennuyé avec ça, que les marchandises donc, ils peuvent s'échanger parce qu'ils séparent une marchandise d'entre elles. Donc, historiquement, ce sont les métaux précieux, parce que ce n'est pas important. Il exclut une marchandise de leur jeu pour représenter chacun sa valeur créée par le travail dont cette marchandise exclue. Comment ça veut dire dans l'analyse de Marx, il faut toujours le souligner, que l'argent est une marchandise et pas un symbole dans le capitalisme. Donc là, c'est déjà le contraire de ce que dit Polanyi. Et deuxième chose, le marchandise ne peuvent se rapporter l'une à l'autre en tant que marchandise parce qu'il existe la marchandise argent. Donc, ce n'est que l'argent qui l'existence de l'argent qui transforme des biens innocents en marchandises méchantes. Sans argent, il ne peut pas y avoir de marchandises. Donc, il y a une espèce de priorité logique, l'illogique de l'argent sur la marchandise. Il n'y a donc pas d'abord une espèce de trompe entre marchandises qui ensuite finit pour finalement donc, utiliser l'argent parce que c'est plus commode. Là, c'est la théorie. Bourgeoise largement acceptée, peut-être elle a raison, mais je sais pas. Mais si nous admettons que l'analyse de Marx est juste, il faut dire que Marx est juste, il est une espèce de contemporanéité jusqu'à ce qu'il n'y a pas une argent marchandise, donc une argent qui en tant que tel est déterminée nous aussi par le coût de sa production, donc ça veut dire par la force de travail qu'il a créé, jusqu'à ce que les objets, les biens qui s'échangent ne sont pas vraiment des marchandises. Donc ça veut dire si dans le régime pré-capitaliste où l'argent ne représentait pas le travail abstrait, mais avait une autre fonction, aussi le bien qui circulait ne peuvent pas être vraiment considérés des marchandises. Est-ce que cela vous convainc plus ou moins? Petite observation entre parenthèses. Si cette analyse est juste, donc ça veut dire qu'il ne peut pas y exister un régime de marchandises sans argent. Ça veut dire que toutes ces idées d'origine proudhonienne, donc qui régulièrement retourne, selon laquelle on pourrait garder une espèce de honnête production de marchandises, mais simplement en se passant de l'invention diabolique qui est l'argent, ne peuvent pas marcher parce que, alors, où on a le dit, où, si on veut avoir des marchandises, il faut avoir de l'argent parce que sinon les choses ne sont pas, les choses restent simples biens d'usage, ils ne sont pas, ne peuvent pas mesurer leur valeur relative s'il n'y a pas d'argent. Et donc, où on sort vraiment de la production des marchandises, bah justement, tout le polonisme ne veut pas arriver, où ce qu'il propose en général, c'est de remplacer l'argent par quelque chose comme, par exemple, le fameux, comment on appelle, pourtant, le billet horaire, non? Donc, une espèce de comptabilité directe du temps du travail, qui en vérité n'est autre chose qu'un argent, avec cette différence, qu'un argent qui ne marche pas. Et donc, Polanyi, malheureusement, il n'arrive pas à cette conclusion. Donc, il n'arrive pas à la conclusion que là où il n'y a pas d'argent, donc il n'y a aussi pas de marchandises. Donc, il fait le contraire. Donc, il, d'une certaine manière, malgré toutes ses bonnes intentions, il ontologise le travail et l'argent et la marchandise et le marché. Il trouve que simplement, donc d'une certaine manière que le marché, on en a fait trop, donc au moment donc, où l'argent est devenu tout à fait une marchandise qui comme les autres, donc d'une certaine manière, est quotée sur le marché. Alors, il y a une... Je ne peux pas tout résumer, donc il y a une véritable force d'indignation chez Polanyi, et aussi donc, lorsqu'il parle par exemple de, de libéraux, comme je dis, comme Malthus, qui appliquent à la société humaine vraiment les observations sur les animaux, donc sur l'idée donc de la source toujours, toujours limitée. Et je dis qu'encore pour Adam Smith, la sphère économique n'était pas complètement soumise à ses lois propres qui fournit autant qu'est-elle un critère du bien que du mal. Donc, tandis que justement, après 1800, on arrive vraiment à introniser le bien économique même comme un critère moral et donc finalement aussi institutionnel et juridique total. D'ailleurs, justement, donc, Polanyi se réjouissait de voir à son époque finalement ce libéralisme sauvage battu en brèche, donc tout ce qui était la construction d'un état social, d'une législation sociale, surtout à partir de la, du début du XXe siècle, était aux yeux de Polanyi, comme d'ailleurs aux yeux de beaucoup d'autres observations, déjà une espèce de sortie du capitalisme. Et je pense que ni Polanyi ni les autres auteurs comme de l'époque donc, auraient pu s'imaginer qu'on aurait même assisté à une espèce de retour du libéralisme le plus sauvage au monde de la rhétorique à partir des années 80, ce qui démontre d'ailleurs que, de toute manière, que le capitalisme n'est pas identique au libéralisme, mais que le libéralisme n'est que peu de ses côtés. Donc maintenant, même là, c'est à nouveau passé, vous rappeler, dans les années 90, il y a été, surtout dans le monde anglophone, donc lorsqu'il était ivre de ce qu'ils considéraient leur victoire sur l'Union soviétique, donc il y avait, surtout aux États-Unis, donc des libéraux qui maintenant voulaient complètement démolir tout État social, des gens comme Milton Friedman, ou qui voulaient même abolir la monnaie, comme le fils de Milton Friedman, également professeur d'économie. C'est l'époque où justement, mais beaucoup de choses ont été faites, toute la flexibilisation du marché, du travail, et tout ça, ça remonte à cette époque-là. C'est seulement comme d'ailleurs, ça arrive souvent, on fait monter sur les devants de la scène des extrémistes qui proposent les choses les plus folles, et après, donc le public est déjà content qu'on est arrivé jusqu'aux extrêmes sans voir que quand même l'essentiel du programme a été réalisé. Je me rappelle, il y avait d'autres libéraux à l'époque qui ne se référaient pas du tout au père du libéralisme comme Adam Smith, mais qui, au contraire, qui trouvait que quelqu'un comme Adam Smith était encore bien presque un communiste, parce qu'il parlait comme de défaut, il parlait quand même du fait qu'il devait y avoir quand même un minimum de législation et tout, et donc il y avait une tentative d'absolument tout privatiser aux années 90, c'est l'époque où, je ne sais pas, donc, certes, par exemple, aux États-Unis, on mettait par exemple des billets d'entrée pour les parcs publics, etc. Le livre de Polanyi est un peu circulaire, donc il retourne toujours sur la même chose. Par exemple, il insiste beaucoup sur le fait que le libéralisme était une espèce de foi, de croyance. Donc, il insiste donc sur le fait qu'il n'y avait rien de naturel dans ce qu'on appelle le laisser-faire, qu'en même temps, il y avait une espèce de volonté de la part des institutions, justement, de créer le libre marché. Donc, là, au contraire, je trouve Polanyi très fort, donc il insiste sur le fait que le libre marché donc, n'est pas quelque chose qui arrive à toute économie simplement par l'effet de sa croissance ou ni par une espèce de désir de liberté, parce que le régime bourgeois, l'idéologie bourgeoise insiste beaucoup sur ça, que l'ancien régime était plein d'obligations, de liens, de certaine manière que les personnes désirent la liberté du marché autorégulé. Là, au contraire, Polanyi insiste beaucoup donc, sur le cadre institutionnel, donc sur l'abolition de toute. De toutes les lois qui, certainement, qui pouvaient protéger la société. C'est justement cette situation que Donc pour les marxistes comme pour les libéraux, donc ils croyaient que le destin de la société dépend des intérêts des classes et que ces intérêts sont d'une nature essentiellement économique. Et c'était donc une particularité de l'époque de croire qu'on peut généraliser les intérêts économiques et on peut gérer une société entière, tout aspect de la vie selon le critère économique. Donc j'insiste encore une fois sur le fait, donc Polanyi ne met pas en doute qu'il existe quelque chose comme une sphère économique ou que la production matérielle de certaines manières existe à côté d'une sphère symbolique. Il trouve simplement qu'elle doit rester à sa place. Et je répète, des auteurs plus venant directement de l'anthropologie, comme Louis Dumont, ou d'une manière plus radicale, des auteurs comme Jean Baudrillard, ou si on veut Georges Bataille, même si Bataille de mon école, c'est pas pour l'ami, ont justement critiqué cette idée même qu'il existe une économie où l'être humain veut surtout satisfaire donc sa soif d'avoir le plus de bien-être matériel possible. Et donc justement ce qu'il critique, donc c'est même chez le marxisme, justement c'est le fait de tout reconduire aux intérêts des classes et les intérêts des classes aux intérêts économiques. Donc il insiste beaucoup donc aussi sur le rôle des institutions aussi pour donner une sens aux vies des personnes. Et d'une manière assez forte, il dit que l'introduction du capitalisme en Angleterre a été un cataclysme social qu'elle doit comparer au déracinement qui a frappé les populations de l'Afrique noire à l'époque coloniale. Donc, il est assez fort, mais justement, même cette catastrophe qui subit la communauté indigène aujourd'hui, donc à son époque, n'est pas seulement une question de l'exploitation économique, mais elle est plutôt, dit Polanyi, une conséquence directe du démembrement rapide et violent des institutions fondamentales de la victime, surtout en ce qui concerne l'organisation de la terre et du travail. Il dit parce que séparer le travail des autres activités de la vie et le soumettre aux lois du marché, c'était anéantir toutes les formes organiques de l'existence et le remplacer par une type d'organisation différente, atomisée et individuelle. Donc, parce que pour Polanyi, donc, il analyse, je montre même dans ses autres livres, le fait que donc, les sociétés je dirais même pas pré-capitalistes, mais pré-libérales, avaient donc des institutions qui, en certaine manière, donnaient aussi à chacun sa place dans la société, assuraient, par exemple, à chacun aussi un minimum vital. Il disait donc dans la société, dans presque n'importe quel type d'organisation sociale jusqu'à l'Europe du XVIe siècle, l'individu n'est généralement pas menacé de mourir de faim, à moins que la société dans son ensemble ne soit dans ce triste cas. Justement, en général, donc il existe l'idée. Les sociétés, d'une certaine manière, les sociétés pré-libérales, d'une certaine manière, se soignent, donc elles s'occupent de leurs membres, et malgré tout les injustices, les hiérarchies sociales. Donc l'idée, c'est quand même une société, d'une certaine manière, tout membre de la société a le droit au moins de subsister physiquement. Et un exemple, je crois que nous avons déjà évoqué, c'était justement par exemple le terrain communal qui, très longtemps, donc presque tous les villages avaient des mesures plus ou moins étendues, donc de terrain où tout le monde pouvait, par exemple, amener sa chèvre ou d'autres, ou faire d'autres activités avec lesquelles qui garantissaient un minimum. Et en effet, ce n'est pas un hasard qu'une des choses auxquelles on attribue souvent la naissance du capitalisme, donc c'était les fameuses enclosures en Angleterre, donc c'est justement de ôter aux pauvres cette possibilité minime de survie pour les mettre dans la nécessité donc prisée par Malthus, donc ou de vendre sa force de travail à n'importe quel prix, ou de crever de faim. Et Polanyi, je crois que c'est Polanyi même qui le dit, donc qui est bien conscient jusqu'à quel point beaucoup de conflits du 19e siècle tournaient, par exemple, justement autour de cette défense dans les campagnes de leurs droits anciens collectifs sur les terres. Un exemple assez connu est l'Espagne. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que c'était les guerres des Carlistas. Donc les Carlistas, il y a eu trois guerres des Carlistas en Espagne autour de la moitié du 19e siècle, qui normalement sont classées au monde traditionnellement dans les révoltes réactionnaires, parce que c'était surtout dans les régions les plus pauvres de l'Espagne. Les paysans qui se révoltaient ont d'abord au nom d'un prétendant au trône, qui s'appelle Carlos, voilà le nom Carlistas, et qui en général avaient des revendications qui nous semblent complètement absurdes, du genre elles demandaient la réintroduction de la Sainte Inquisition, donc elles voulaient absolument défendre donc, le bien des églises, donc ils attaquaient toute ingérence de l'État dans la vie religieuse, et en même temps elles se prenaient en général également en toute forme de progrès technologiques, donc genre, ils détruisaient des chemins de fer. Ce qui d'ailleurs leur a procuré une certaine admiration chez les néolodites d'aujourd'hui. Donc cela donc était au moment jusqu'à date récente incompréhensible même pour les historiographies marxistes. C'était peut-être qu'à partir des années 60-70, avec des auteurs qui là au moins étaient assez intelligents, comme Eric Hobsbawm. D'autres livres de Hobsbawm sont beaucoup plus discutables. Je trouve là, il était sur son livre, par exemple, sur le rebelle primitif. Je ne crois pas qu'elle parle de carlisme, mais c'est comme un livre intéressant. Et la vérité était comme autre, au-delà du fait, c'est évident que c'était les prêtres qui avaient. Qui avait manipulé les paysans, mais il y avait aussi le fait qu'une des choses qui voulaient faire les libéraux, les bourgeois libéraux des villes, les gouvernements qui le représentaient, c'était surtout de mettre à l'enchère justement les terres communaux, donc en tant que résidus féodales. Même les terres de l'église étaient quand même parfois servies aussi aux pauvres pour survivre. Et donc une simple, là aussi justement, une simple vente de la terre, justement au sens de Polanyi, de transformer donc cette terre simplement dans une marchandise qui était vendue une fois pour toutes au meilleur offrant par le bourgeois de la ville qui après pouvait en faire ce qu'il voulait. Donc cela privait assurément donc les paysans déjà pauvres de leurs dernières ressources, et en plus étaient probablement ressentis là aussi comme une espèce d'attente sacrilège à une espèce à cette terre donc qui quand même faisait vivre les paysans, qui était senti comme une espèce de bien commun et pas quelque chose qui pouvait être qui pouvait simplement être la propriété d'une personne au détriment de tous les autres. Et donc, les guerres des Carlistes, comme aussi d'autres, donc révoltes paysans, donc, avaient parmi d'autres aussi ce arrière-fond de défendre une espèce de minimum des propriétés collectives. De même que j'ai déjà mentionné le tout premier article de Marx à 24 ans, où je prenais la défense des paysans en Prussie qui ne voulaient pas renoncer à chasser les lièvres et à recueillir du bois dans le. Là aussi, il y a une question énorme, donc je ne sais pas si vous connaissez ce livre, et Jacou le Crocon, que je connais bien parce qu'il se déroule exactement là où j'habite en Dordogne, et donc là aussi, il y a toujours cette question si on peut chasser dans le bois ou pas. Il m'est encore arrivé il y a quelques années qu'une garde, comment ça s'appelle, une garde-bois, la forestale a voulu m'empêcher de recueillir du bois dans une forêt communale. Donc, ces questions sont retournées périodiquement. Et donc à la fin de son livre, donc Polanyi, donc si l'industrialisme ne doit pas extinguer la race, donc il doit être d'une certaine manière, donc il doit être soumis aux exigences de la nature de l'homme. Et et il ne faut pas critiquer la marche, le marché parce que elle se le marché parce qu'il se base sur l'économie, parce qu'il affirme donc toute société doit se baser pas seulement sur l'économie, mais justement parce que cette économie est basée seulement sur l'intérêt individuel. Et cette organisation de la vie économique est absolument non naturelle au sens strictement empirique de la parole exceptionnelle. Donc justement, il comprend le caractère exceptionnel de la marchandise, mais au moins dans la perspective que je vous propose ici, il donne une définition bien trop étroite de ce caractère exceptionnel. Et il affirme même que la civilisation industrielle continue bien à exister lorsque l'expériment utopiste d'un marché autorégulé ne sera qu'un un souvenir horrible. Et ce qui, selon lui, est déjà en partie arrivé. Donc, dans cette phrase, on trouve un peu donc, toute l'importance des limites des Polanyi. Donc, il a une véritable horreur donc, de la société qu'il a connue, de la société libérale industrielle. En même temps, il veut sauver presque tout l'essentiel, donc il veut simplement le mieux le régler. Et il pense que le retour de l'État et de du welfare state est déjà une réalisation partielle. Et là, d'ailleurs, il développe effectivement assez transhistorique, donc il n'a pas de considération sur le rôle spécifique de l'État moderne, donc, comme beaucoup d'autres auteurs. Donc l'État, comme d'ailleurs l'économie, sont également des catégories qui ont toujours existé, parce que nous avons avec un rapport de force différent. Et donc, par exemple, donc, justement, l'État entre l'État, le mercantilisme et son contrôle étroit de l'économie, le nouveau contrôle, par exemple, dans le New Deal, ou avec l'assurance sociale, de certaine manière, donc, se pose dans une continuité directe aux yeux de Polanyi. Les autres citations, je les ai déjà lues. Alors, j'espère donc t'avoir donné un résumé plus ou moins objectif de l'idée des Polanyi. Je peux encore donner. On peut en discuter. Je vais encore faire quelques observations. Une question, bien sûr, il faut discuter ce que. Alors, il reste donc chez tous. Ces théoriciennes restent toujours quelques catégories transhistoriques, donc surtout chez Polanyi, je l'ai souvent souligné, mais même, par exemple, j'avais dit que même Salins, par exemple, analyse le fait que la société pré-capitaliste travaillait très peu, mais elle reste quand même avec une certaine idée du travail. On peut trouver d'autres catégories transhistoriques aussi chez Marcel Mauss, même chez lui, par exemple, la valeur existe toujours, même dans la société du don. Et donc, on peut effectivement trouver ici et là toujours une tendance, même chez les critiques les plus radicaux, de ontologiser quelque chose. Bien sûr, la question, c'est jusqu'où peut ou doit aller cette critique de la ontologisation. Est-ce qu'il faut alors dire qu'il n'existe absolument rien qui soit naturel, substantiel, essentiel, et tout n'est qu'une espèce de base construite ou relationnelle? Ben, il y a justement, par exemple, probablement que celui qui allait le plus loin dans cette direction, c'était Baudrillard dans ses premiers écrits, donc là, une économie politique du signe, ou le miroir de la production. Mais selon moi, justement, cela prouve aussi un peu le danger auquel porte cette espèce de relativisme extrême, selon lequel finalement l'être humain n'est que un être qui vit pour le symbolique. Parce que justement, ce qu'on peut justement critiquer dans le matérialisme historique, c'est et justement de réduire la vie humaine à sa dimension matérielle. de nier que même beaucoup de choses matérielles en général évoluent dans un cadre où évidemment on échange aussi de relations, on échange aussi de certaines manières d'idées, où on détermine des hiérarchies sociales. Et que même, par exemple, le sacrifice, le culte du vin n'est pas simplement une espèce de travestissement d'une économie réelle. Donc, évidemment, là aussi, donc, c'est surtout Georges Bataille, évidemment, elle a plus insisté aussi sur l'importance de la dimension sacrificielle dans la vie humaine. Il est vrai qu'on peut en trouver effectivement beaucoup de preuves partout, même dans nos vies quotidiennes aujourd'hui, ou dans autre chose, du fait qu'évidemment nous sommes loin de toujours privilégier l'aspect matériel et d'autres sociétés les faisaient encore moins. Exemple très banal, par exemple, justement, en projetant nos critères sur les autres, on peut penser que, par exemple, les populations les plus pauvres de la planète. Donc la première chose qu'ils veulent toujours avoir, c'est l'assiette pleine, et donc il serait même cynique de leur en parler d'autre chose. Mais, par exemple, je sais que beaucoup de pauvres, par exemple les Indios de l'Amérique centrale, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils n'achètent pas nécessairement du maïs, ils achètent des feux d'artifice parce qu'ils aiment énormément ça. Et parce que, évidemment, satisfaire une espèce de besoin symbolique de conquérir le ciel avec des feux d'artifice, ça peut être tout offert. Tout aussi important pour un être humain que d'avoir son assiette pleine, peut-être, sauf les cas vraiment extrêmes qu'on est vraiment. Qu'on risque vraiment de mourir de faim. Et on trouve tellement d'exemples dans la société humaine, évidemment, où justement ces besoins symboliques ou sacrificiels, évidemment, prennent largement, évidemment, une importance majeure par rapport aux autres choses. Comme je dis, Bataille insiste beaucoup sur ça et Baudrillard reprend cette idée. Donc tu remets en cause l'histoire de première nature, la deuxième nature. Évidemment, on arrive à cette question-là. Oui. Donc, il y a aussi un article, un recueil des matériaux assez intéressant dans l'article de notre ami Clément Holmes, que je n'ai pas là, dans le sortir de l'économie, où il résume un peu la question. Mais justement, au moins personnellement, cela me laisse perplexe. D'abord, parce que d'un côté, ça veut dire qu'évidemment, il n'existe pas une base superstructure et les besoins symboliques, sociaux, etc. ne sont pas nécessairement quelque chose qui vient toujours comme un reflet ou beaucoup derrière les besoins matériels prétendus. Mais lorsqu'on absolutise ces points de vue, comme le fait Baudrillard, d'abord on nie effectivement que l'être humain reste quand même ancré à une base naturelle, donc qui commence avec des choses extrêmement basiques, du fait que même s'il existe 10 000 choses différentes qu'on peut manger, on doit quand même avoir un certain apport calorique par jour. Et il y a comme des limites pour être dans le anecdotique personnel, mon père qui était un fumeur absolument acharné. Il connaissait une histoire selon laquelle dans les chambres des prisonniers en Russie, donc on donnait aux prisonniers chaque jour, chaque semaine, un petit pain et un paquet de cigarettes. Il y avait des fumeurs si acharnés qu'ils préféraient de donner leur pain pour avoir un deuxième paquet de cigarettes. Et mon père affirmait que les fumeurs ont même eu une rate de survie supérieure à ceux qui prenaient les deux pains. Évidemment, ça ne peut pas être vrai à la lettre, mais on sait bien qu'évidemment, question des motivations, donc question de trouver du goût à ce qu'on fait, ou vraiment aimer, ou s'être passionné pour des choses, peuvent être bien plus importants que les besoins purement physiologiques. Et ce sont effectivement des questions qui n'ont pas été prises en compte pour toutes les explications strictement matérialistes de l'histoire. Après, évidemment, il y a encore une autre question, qu'est-ce qu'on entend par matérialiste? Est-ce que les besoins sexuels, est-ce qu'ils sont matériels ou est-ce qu'ils sont symboliques? Là aussi, c'est que la sexualité est largement une question d'imaginaire et très peu, finalement, de réalisation. Donc je trouve que toute cette question reste encore assez ouverte. Donc d'un côté, justement, Baudrillard est un bon exemple. Je pense à Parce que peut-être à cette époque-là, elle s'est moquée encore de son public, comme je crois il a plus tard commencé à faire une fois qu'il a découvert combien il était facile d'éberner son public postmoderne. Je le dis sans critique, j'ai écrit un article sur ça, je le trouve sympathique juste pour ça, Baudrillard, parce que c'était le côté pataphysicien chez lui qui finalement a gagné. Et finalement, il s'est simplement amusé de son public. Non, ce premier livre, d'ailleurs, assez influencé par le situationniste, avait quand même un côté sérieux, mais justement, il nie totalement la base matérielle, finalement, de l'être humain. Donc, il dit que. Non, les choses qu'il dit sont intéressantes, parce qu'il affirme, par exemple, ce n'est pas vrai que, dit l'autre traditionnel, l'approche traditionnelle dit que d'abord l'être humain, d'abord il assure sa survie, et après, donc, il utilise son l'excès, il l'utilise pour la fête, il l'utilise pour le luxe, pour son plaisir, etc. Et déjà, cette idée ne plaît pas au matérialisme strict ou zen, c'est du luxe. Mais Baudrillard, répondant aussi Bataille, dit au contraire, il affirme, et là, il autorise beaucoup trop, il dit l'être humain, d'abord, il pense au service de Dieu, au sacrifice, à la fête, à la dépense, et après, si quelque chose reste, c'est pour survivre, c'est pour manger. C'est vrai qu'on peut effectivement trouver des cas comme ça dans l'histoire, mais évidemment, on ne peut pas en faire une règle absolument générale, mais il existe aussi beaucoup de cultures où, par exemple, nourrir ses propres enfants était loin d'être le premier souci. Donc, c'était juste s'il en restait assez pour d'autres activités jugées plus importantes. Et justement, si. Mais maintenant, par exemple, on pense d'abord au loyer, au téléphone portable et tout, et ce qui reste, c'est pour manger. Oui, là, justement, là, c'est vrai, mais alors aussi, c'est encore la question de qu'est-ce que c'est matériel, évidemment, loger aussi, c'est matériel, et on pourrait. Mais c'est aussi symbolique, parce qu'on veut avoir un logement le mieux possible, etc. Ouais. La voiture, d'abord le logement, la voiture, l'internet, la télé, machin. Après, ce qui reste, c'est pour manger quand on parle avec les gens. C'est toujours ça, ce qui reste, il me reste plus que tant de 200 euros pour manger, par exemple. Oui, oui. C'est bizarre, ça. Hein. C'est aussi vrai. Ça aurait d'ailleurs compté, en vérité, impossible de distinguer vraiment entre matériel et idéal. Mais même en mangeant, on satisfait comme également un besoin symbolique, par exemple. Je ne sais pas, qui mange du biologique ne le fait pas purement pour sa santé, mais aussi parce que ça, probablement, il a l'impression qu'il se traite bien, qu'il se sente partie d'une élite, ou des gens plus conscients, etc. En vérité, l'idée même peut-être d'une séparation entre le matériel et le non-matériel, la survie et le symbolique, peut-être à mettre en discussion. Mais en même temps, je trouve justement Baudrillard un bon exemple, parce que justement, de dissoudre, de nier toute base matérielle, dans le cas de Baudrillard, ce semble assez radical, justement par rapport au marxisme traditionnel, mais en vérité, c'est tout à fait logique que que le pas après, suivant chez Baudrillard, c'est effectivement de tomber dans le postmodernisme où justement il n'existe plus aucun référent réel. Et là, c'est tout à fait parallèle à ce qu'a fait Baudrillard avec l'aliénation. D'abord, il est encore dans une optique plutôt proche de situationniste, et il parle d'aliénation de la vie sociale, et après, il dit ouvertement, par exemple, même en critiquant explicitement le situationniste, il dit le situationniste, il était encore dans l'aliénation, donc l'idée d'une désaliénation possible, parce qu'il existe quand même une réalité possible. On dit que certaines manières, pour se moquer, certaines manières, Baudrillard dit, mais il n'existe aucun réel, donc aucune aliénation, parce que certaines manières, tout se vaut. La télévision n'est pas la fausse copie de la réalité, je ne sais pas, des Halles de Paris, comme peut-être Debord aurait dit, mais finalement, dans l'optique de Baudrillard, les Halles de Paris sont une fiction, un simulacre, comme leur photographie ou comme leur image. Donc je trouve que ça tombe finalement dans la pure apologie du présent. Ben, c'est curieux, justement, moi j'ai écrit un article qui s'appelle « Baudrillard, détournement par excès », où je démontre que Baudrillard, justement, en poussant des théories radicales encore un peu plus loin, arrive finalement à affirmer exactement le contraire, par exemple, de ce que disait Debord. Et justement, dans cette critique du matérialisme vulgaire dans l'anthropologie, arrive finalement, curieusement, pour tomber dans l'idéalisme le plus extrême. Mais il y a une autre conséquence qui, je trouve, peut-être, de certaines manières, encore plus préoccupante. Je n'ose presque même pas de vous la présenter, parce que d'une certaine manière, elle pourrait désavouer tout ce que je fais ici dans ces cours-là. Alors, qu'est-ce que ça va? Alors, c'est justement, on accepte cette espèce de antinaturalisme radical, cette dissolution de toute la réalité dans le symbolisme, alors on pourrait finalement se dire où est le mal du fétichisme de la marchandise. Si le fétichisme est une folie, si le fétichisme veut dire d'un irrationalisme où on soumet toute production, pas à des questions rationnelles, gestion des ressources, etc., mais à une espèce de auto-reproduction tautologique d'une fétiche, alors c'est tout symbolique, on pourrait aussi dire où est le problème. Donc c'est une autre des folies, une autre des manières de dépenses irrationnelles qui font la beauté de la nature humaine, pourrait dire Baudrillard. Par exemple, on pourrait dire que justement les pyramides duquelles parle aussi Kurt sont une assez importante domination sur le sujet. On ne peut pas donner une explication matérialiste de la construction des pyramides. Parce que si on dit... Alors, les matérialistes traditionnels diraient « Ah, c'était ce que faisaient les prêtres et les pharaons en Égypte pour affirmer leur domination sur les peuples d'esclaves. » Là, justement, Kurz dit, ici, l'effort pour cacher leur domination excède absolument, finalement, le résultat. Donc, il n'y a plus aucune proportion. Donc, c'est la même chose comme, par exemple, dans le système féodal. Donc, évidemment, être chevalier, oui, on peut dire que c'était une justification pour le fait de toujours mettre sa vie en péril. C'était la justification, l'idéologie officielle pour justifier la domination sur les paysans, pour avoir la dîme, etc. Mais lorsque finalement, comme ça, effectivement, c'est arrivé par exemple en Angleterre, tous les féodaux se massacrent l'un l'autre jusqu'au dernier, ce qui était prétendu être une espèce de mystification a commencé à être plus important que la réalité. Et donc cela, et justement là, dit Kurz, alors ici, évidemment, il y a un irrationalisme derrière, donc effectivement, le fétiche social, le culte du fétiche social, finalement, commence à dépasser l'utilité prétendue, par exemple, au service d'une classe dominante. Mais, par exemple, là où le dit Kurz, il y a toujours une espèce de mise sous accusation du fétichisme, dit donc. La société égyptienne était donc également une société irrationnelle qui n'avait pas une maîtrise rationnelle de ses propres moyens, donc leur socialité se représentait sous forme d'objets externes, d'objets triangulaires, et pour donner cette forme à leur socialité, ils devaient faire ce détour absurde. Il aurait beaucoup mieux fait de manger tout l'or. Qu'est-ce qu'ils mangeaient les Égyptiens d'or, le blé qu'ils mangeaient, et de boire toute leur bière. Orge, mais, donc là, évidemment, dans cette idée, par exemple, de Kurz, on reste quand même avec une certaine idée de rationalité. Le mieux, ce serait quand même d'utiliser toutes les ressources. Par exemple, d'abord pour satisfaire les besoins nécessaires. Là, quelqu'un d'autre pourrait faire un pas plus avant, comme Baudrillard, et dire où est le problème ? Donc, évidemment, le fétichisme, c'était leur partie maudite, comme aurait dit leur dépense, comme dirait Bataille, et donc c'est simplement une des mille façons qui ont inventé les êtres humains pour satisfaire leurs besoins symboliques, qui sont toujours désastreuses du point de vue de leurs ressources matérielles, mais justement, c'est là le propre de l'existence humaine. Oui, oui. Bon, tu as donné l'exemple. Vous comprenez où je vois le problème. Je suis d'accord avec le problème, mais il y a des contre-exemples, parce que tu parles des pyramides, etc. Mais on connaît aussi l'histoire des croisades et des féodaux. Le problème central pour certains seigneurs, c'était d'élargir leur territoire parce que justement, ils n'arrivaient pas à avoir assez de ressources au niveau local et qu'ils avaient besoin de s'ouvrir, etc. Il y avait un besoin là qui était très matériel, je veux dire, qui n'était pas symbolique, qui n'était pas... Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut trouver des exemples dans l'histoire, si tu veux, qui Bon, je vais à l'autre côté aussi. Oui, mais de toute manière, ces explications n'excluent pas entre elles, oui. Mais justement, ce matérialisme historique, lorsque, par exemple, je crois Karl Kautsky, le grand marxiste allemand, expliquait la philosophie de Spinoza avec la nécessité du commerce de la laine hollandaise à l'époque, qui avait besoin de déboucher des marchés partout, et donc il voulait la tolérance religieuse. D'accord, personne aujourd'hui ne prend plus au sérieux ce genre de théorie même. C'est vrai que j'ai plus de la trentaine, donc je suis toujours militant, mais je retrouve des amis là. Et je suis toujours surpris, ils racontent qu'ils sont à fond dans les séries télé. Dans les séries télé. Oui. Et vraiment, ils s'intoxiquent à ça, ils regardent beaucoup. Et je sais pas, on a discuté, et je me suis rendu compte que je les critiquais, mais au nom d'une conception, c'est toujours au nom d'une conception qui, effectivement, pourquoi la vouloir, enfin, qui me paraît plus juste, qui me paraît plus valable. Mais voilà, on a l'impression qu'on doit faire appel à des idéaux, à des valeurs, pour critiquer, voilà. On n'arrive pas à sortir de ça, quoi. Ouais. C'est justement là aussi toute la problématique de l'esprit postmoderne, selon laquelle pratiquement tout se vaut, et donc, par exemple, justement, voir même les émissions de télé les plus bêtes peuvent alors être mises au compte de besoins symboliques. Et donc on peut dire que, je ne sais pas, par exemple, dans l'optique postmoderne, qu'aller dans une bar et parler avec des gens réels ne se distingue pas du fait de passer ses journées seules devant la télévision. Hein. Et justement, alors là, on retourne un peu à l'idée du réel ou de l'authenticité, ou est-ce qu'il existe des paramètres? C'est aussi un peu le thème, évidemment, bien ou mal, par exemple, du livre de Jean-Claude Michéa, justement, dans une société libérale, il n'existe plus aucun critère pour dire, par exemple, même le cannibalisme, par exemple, si l'exemple extrême, si les personnes sont consentantes, pourquoi pas? Donc, il y a des juristes qui l'ont proposé. Donc, il a raison, non? Non, Michéa, il donne l'exemple, maintenant, il y a... Le bataille peut-être aussi, Il y a des écoles de prostitution en Australie, quoi. Il va y avoir des 2 SS, des bacs, plus je ne sais pas quoi, etc., pour préparer les jeunes femmes, les jeunes hommes à la prostitution. On voit bien qu'il y a la marchandise entre partout, quand même. Il va y avoir des sanctions universitaires pour apprendre à se prostituer selon les critères du marché. Je crois qu'il irait faire à quelque chose qui existe actuellement en Australie, je crois. Il voit bien que le calcul économique a tout envahi, il n'arrête pas de le lire, lui, et puis celui qui a écrit le divin marché, tu trouves beaucoup plus proche de chez nous, presque toutes les écoles disent aux gens comment se préparer aux entretiens d'embauche et pour se vendre le mieux possible, même hors d'un cadre qui est strictement de la prostitution sexuelle. Mais une grande partie de l'école nous prépare à ça. Mais ce qui est choquant d'ailleurs, ça, c'est pas le sexe, c'est le pognon, évidemment. Oui, bah, ici, donc, évidemment, on rentre dans un tout autre domaine, on ne va pas l'imposer en 5 minutes. Je me demande même s'il est vraiment utile de discuter avec des gens qui affirment ce genre de choses. Il y a pour moi une phrase importante, pas tellement connue, justement de Max Horkheimer, où il dit que pour le positiviste, évidemment, le postmoderne est une conséquence du positivisme, et pour le positiviste, l'affirmation que la liberté et l'égalité sont mieux que l'esclavage et que la liberté et la justice sont mieux que l'esclavage et l'injustice est tout aussi encensé, comment dire, qu'un œuf est meilleur que le lait. Non, je trouve cette phrase géniale. Donc, il est inutile, on ne peut pas démontrer que la liberté est mieux que l'esclavage. Donc, il est inutile de rentrer sur ce terrain-là. Donc, je pense que si quelqu'un ne veut pas y croire. Sur quel terrain? Mais il y a quand même une perspective. Oui, il y a des valeurs, justement, d'une certaine manière. On affirme des valeurs. Oui. Moi, je suis pour. Sur lequel il est inutile de vouloir le démontrer de manière logique ou scientifique. Mais si les fétichismes, parce qu'on retrace une espèce d'histoire des fétichismes, et on se pose la question de savoir si celui dont on hérite ou qu'on a mis en place, auquel on participe, est fondamentalement différent, etc. Donc, moi, il me semble que. Effectivement, si on ne peut pas les distinguer sur le fait qu'ils soient irrationnels ou rationnels, qu'ils soient dynamiques ou pas dynamiques, etc., les fétichismes qui nous ont précédés avaient cette double capacité de reproduire leur société, les conditions mêmes du fonctionnement du fétichisme, à la fois symboliquement et matériellement. Et la société à nous, il me semble qu'il y a quand même une sacrée différence, c'est qu'elle a fait diverger les deux et qu'elle est capable de produire les conditions de la reproduction symbolique, de la nécessité symbolique de sa reproduction, en captant la part matérielle, y compris jusqu'à l'anéantir, et anéantir par là même la possibilité qui est cette dynamique qui produise et reproduise et fasse émerger d'autres fétichismes. En effet, c'est ce que moi aussi je dis souvent, il ne s'agit pas de sortir de tout fétichisme, mais déjà si on avait une capacité de... Si on pouvait sortir au monde du fétichisme de la marchandise, avec ses conséquences comme la bombe atomique, les OGM et d'autres, ce serait déjà beaucoup, donc avant de se casser la tête, si après on va avoir encore d'autres formes de fétichisme. L'autre question, les sociétés avant étaient moins capables de se reproduire symboliquement. Là, évidemment, on peut aussi se demander, est-ce que toujours eu bien? Est-ce que toutes les sociétés méritent de se reproduire? Par exemple, une société qui s'est basée sur l'esclavage, sur la soumission des femmes, etc. Est-ce que c'était toujours positif qu'il était stable? Donc, Mais c'est une reproduction paradoxale, ou en tout cas, qu'il y avait toujours un élément de contradiction qui faisait que ça se reproduisait en changeant, en s'adaptant, il y avait un aspect comme il y avait un aspect évolutif à la chose quand même et que ce qu'on connaît nous ça casse, je pense. Ça casse cette ligne-là. Oui, en même temps, peut-être aujourd'hui, je suis un peu en train de dire des choses paradoxales, mais en même temps, c'est dire justement que ce caractère contradictoire et antagoniste du fétichisme moderne est aussi une possibilité pour en sortir. Et les autres fétichistes se reproduisaient tant bien que mal, donc c'est-à-dire qu'ils étaient beaucoup moins nocifs, surtout pour la nature environnante, mais ils n'offraient pas même pas de chance de ressortir à ceux qu'ils étaient. Justement, et on va aussi traiter dans les prochaines séances, par exemple, ces auteurs de néo-lacaniennes comme Dufour, ou même Jean-Claude Dufour, quelqu'un a mentionné, il y a comme une espèce de symbolique, une nostalgie du symbolique, une nostalgie du maître, une nostalgie d'un ordre, une espèce d'ordre fermé, donc où on peut vivre sans doute. Qui en même temps fait en vérité, peut-être nous dit très peu sur ces sociétés-là et nous dit beaucoup sur évidemment sur notre société d'aujourd'hui. Et donc de même, il a aussi cause aussi très justement. Un côté, c'est de dire que Mauss ou Polanyi ou d'autres ont bien décrit une société précapitaliste. Mais c'est très différent d'avoir nostalgie et de penser que cette société était nécessairement meilleure que les nôtres, qu'il faudrait de certaines manières y retourner. Vous avez dit que les féodaux anglais se sont massacrés jusqu'au dernier. Oui. Peut-être que les capitalistes vont se massacrer jusqu'au dernier. Peut-être pas physiquement. C'est bien parti pour ça, non? C'est bien parti pour qu'ils se massacrent jusqu'au dernier, les capitalistes. Ils vont toujours envoyer les ordres. Non, non. Est-ce qu'il y avait des dégâts collatéraux avec les féodaux anglais, justement? Dans la guerre des Roses, ils se sont vraiment massacrés physiquement. Oui, mais des dégâts collatéraux pour les gens...